Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quand paraissait en l'an 2000 son roman Ingrid Cavan, Jean-Jacques Schoul n'avait rien publié depuis 24 ans, depuis Telex numéro 1. Pour cette non-biographie en forme de roman, inspirée par l'existence très romanesque de sa compagne, Jean-Jacques Schoul fut récompensé du prix Goncourt, à la surprise presque générale, et dit-on, grâce à l'appui sans faille de Philippe Solers. Ça tombait bien, Ingrid Cavan trouvait elle-même le roman magnifique, d'après ce que rapportait Marie-Dominique Lelièvre dans le journal Libération. Cette femme n'est pas trop définie par le texte, lui disait Ingrid Cavan, bien moins que les autres personnages. Ça me laisse respirer, je me reconnais comme si mon aura, mon esprit, était entré là-dedans. Alors que se terminait un XXe siècle dont la voix d'Ingrid Cavan aura vibré de l'histoire comme celle avant elle de Marlène Dietrich, Alain Weinstein saluait le Goncourt de Jean-Jacques Schoul, saluait le roman d'amour qu'est son livre, en diffusant un portrait radiophonique qu'avait signé de lui Patrick Amine. Fiction du modèle, Jean-Jacques Schoul, une émission diffusée la première fois, le 21 septembre 2000, sur France Culture, dans Surpris par la nuit. Surpris par la nuit. Diese Wolken sind nichts und wieder nichts, aber schön sind sie, wie sie weiß und hell an mir vorüberfliegen. Ach, ich bleibe liegen. Ces nuages ne sont rien, trois fois rien, mais comme ils sont beaux, lorsqu'ils volent blancs et vite devant moi, mais moi, je reste couchée. Fiction du modèle. Jean-Jacques Schoul, Ingrid Cavan. Une émission de Patrick Amine et Jacques Taroni. Jean-Jacques Schoul est l'auteur de trois livres. Rose Poussière, 1972, Telex numéro 1, 1976, Ingrid Cavan, septembre 2000. Elle était entrée sur scène légèrement et avec une aisance parfaite, et tout s'ordonna autour d'elle. L'espace semblait à son service. Charles la regardait et il se disait « C'est avec elle, avec ça, cet animal que je vis. » Cet après-midi encore, il lisait le journal et elle, en t-shirt et jeans, elle essayait tranquillement quelques notes, Pierrot Lunaire. Et elle avait soudain monté de deux octaves en un instant, dans un fantastique rayon de lumière. In einem fantastischen Lichtstrahl. Fulgurant. Ça lui avait rappelé une brusque accélération d'un moteur de Formule 1 dans la ligne droite du port, à des essais d'un Grand Prix de Monaco auquel il avait assisté. Il n'avait pas vu grand-chose, mais ce bruit, quand on passe quatre vitesses en quelques secondes, est plutôt non humain. Comme ça, sur le sofa, en t-shirt, c'était plus impressionnant, inattendu, que sur une scène. C'était sauvage. Ils étaient ensuite revenus à une conversation tranquille, comme si de rien n'était. Elle redevint très calme, elle était redescendue. Assise sur le sofa Grenat. Une couleur vive que Charles n'aimait guère. Lui, il préférait les non-couleurs. Gris, blanc, noir. D'ailleurs, pourquoi le blanc non-couleur? C'est comme le silence en musique. C'est un temps musical aussi. Ça compte, le silence. Voilà. Il vivait avec une chanteuse. Une nuit, qu'il marchait dans la rue à Berlin, il était tombé nez à nez avec son visage immense, 2 mètres sur 2, une affiche sur le Kurfürstendamm. Et il s'était dit, c'est curieux, c'est elle et une autre. C'est une biographie, oui. Où est la frontière entre la biographie et le roman? Où est la frontière entre le réalisme et ce qu'on appelle la fiction? Où est la frontière entre le rêve et la réalité? Je n'en sais, à vrai dire, pas grand-chose. Et pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est dans tous les cas et dans tous les domaines, cette zone frontière, cette limite, cette twilight zone, ce que j'appellerais la colure, pour employer encore un terme de cinéma, entre ces deux choses. Je repense à une phrase de Paul Claudel dans son journal, un petit passage de son journal. Il était ambassadeur en Amérique du Sud, je crois que c'était au Brésil, et il est allé assister au ballet russe à l'époque, donc à la fin des années 20. Et Nijinsky, donc, était sur scène. Monsieur l'ambassadeur Paul Claudel avait l'autorisation d'aller en coulisses. Et à la fin d'un des ballets de Diaghilev, Nijinsky a terminé son ballet, s'est dirigé vers les coulisses, et Claudel parle de ce moment indescriptible où il s'est arrêté de danser, mais où il ne marchait pas encore, et où il était exactement dans cette zone-là, qui est donc entre la danse et la marche. On pourrait généraliser, dire que c'est aussi bien entre la poésie et la prose. J'ai montré dans le livre Ingrid Cavan en train, assez longuement, c'est des passages les plus longs, en train de répéter dans 3 décors différents d'ailleurs, au bord de l'océan, dans un terrain vague allemand où elle avait déjà passé son enfance, et puis dans la 5e avenue à New York, comme elle le fait souvent, c'est-à-dire elle aime beaucoup répéter en marchant dans la rue, ce qui ne veut pas dire qu'elle chante très fort. Elle dit toujours qu'on peut répéter, chanter en silence. Ça, les muscles s'imprègnent des notes, il y a une sorte de mouvement des cordes vocales. Et donc elle chante pas, on n'entend jamais chanter, mais elle répète souvent sans qu'on n'entende rien. Et donc elle fait ça dans ces 3 endroits, et elle répète Schoenberg. Et j'ai pris Schoenberg d'abord parce qu'il se trouve qu'elle a beaucoup travaillé Schoenberg, et ensuite parce que je le dis, Schoenberg disait que sa musique était une musique de prose. Et Schoenberg avait trouvé ce mot pour qualifier sa musique à 12 tons, et déjà avant, je crois, le Pirou Lunaire, qui précède la musique à 12 tons, qui est le premier pas vers la musique à 12 tons, il avait utilisé ce mot de Sprachgesang, ou de musique de prose, de Sprachgesang, qui signifie chanter, parler. Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est un peu moins de l'art? Est-ce que c'est... voilà. Ce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est plusieurs choses. C'est une biographie, c'est une chronique, c'est un peu de la poésie. J'aime bien tout ce mélange de genres. C'est même, à vrai dire, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire cohabiter, d'associer des choses que ordinairement on associe peu, et d'essayer de leur trouver une ligne, un fil rouge, une ligne sans que ce soit un pot pourri ou quelque chose de trop éclaté. Je l'avais moins bien réussi, me semble, dans ces petites choses que j'avais fait il y a maintenant fort longtemps, et je pense avoir un peu mieux fait maintenant parce que j'avais mon fil rouge qui était la vie de cette femme d'exception qui est Ingrid Cavan. space nation. I know, and it might have ended by them at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way. J'ai remarqué là les derniers jours que je suis assez convaincue de pouvoir lire le livre dans quelques semaines. Oui, je l'ai lu en partie. J'ai lu des passages pendant que Jean-Jacques a écrit, mais là c'était pendant une espèce de travail. Mais je suis sûre dans quelques temps que je pourrai le lire. Comme il s'agirait d'une autre, mais ça grâce au style de Jean-Jacques, la forme. Et comme entre nous, mes amis et moi, on pense que c'est la forme qui fait la chose qui est plus important que le contenu. Comme Nietzsche dit, inclut la vie. Alors, on est d'accord que c'est lisible pour moi aussi comme absolument un roman, une poésie qui est quelque part à côté de la vie. Mais, bizarrement, et ce qui arrive souvent avec des très fortes poésies ou écritures, ça devient beaucoup plus vital et inspirant que des fois les passages de la vie elle-même. Voilà, c'est une beauté que Jules a fait comme cadeau à beaucoup de monde qui ont déjà appelé, qui ont dit c'est un cadeau. C'est quelqu'un, si on prend, bon, puisque j'ai suivi ça avec elle pour raconter aussi sa vie, donc c'est aussi une biographie en fait, également une biographie masquée, une biographie éclatée, mais c'est aussi une biographie, la vie de quelqu'un. Et donc si on prend depuis le début, elle a une éducation catholique forte, donc elle chante très vite, elle chante de l'orgue à l'église, elle chante en s'accompagnant de l'orgue à l'église, donc musique d'église. Bach, elle chante le choriste, elle chante avec Schweitzer également, à l'église protestante. Enfin, bon, elle chante beaucoup comme petit enfant des chants religieux. Elle écoute à l'âge de 15, 16, 17 ans, elle écoute tout le temps à longueur de journée Maria Callas, tout le temps, Elvis Presley, Edith Piaf. Je cite dans l'ordre tout ce qu'elle a écouté et qu'on retrouve de façon étonnante. À un moment ou à un autre, si on regarde son tour de chant, on retrouve tout ça, elle n'a rien oublié. Elvis Presley. Ensuite, effectivement, Bert Brecht, le cabaret allemand, en tant qu'allemande, bien entendu, elle ne peut pas ignorer Brecht. Weil, on n'en parle pas, bien sûr, Brecht Weil, l'idée de cabaret allemand. Et puis la chansonnette la plus triviale, la plus vulgaire, la petite chansonnette qu'on entend à la radio, ce que les Allemands appellent le Schlag, qui est Evelan, passe-moi l'éponge, Evelan, fais-moi de l'église aussi, associé à la musique d'église, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et puis quoi encore? Un regard. vie, comme dans tous les domaines, tout doit être plus propre, plus simpliste, plus clair. Même les sophistications doivent avoir tomber dans une espèce de cliché. Il faut dire, j'avais une chance dans ma famille que toutes les musiques, déjà dans mon enfance, avaient la même valeur. Est-ce que c'était une petite rengaine, une berceuse, un air d'opéra, Bach, etc. C'était sur la même... On faisait la musique, on faisait des différentes musiques avec la même joie et la même insistance d'essayer de faire des exercices avec pour s'améliorer. Mon père a toujours fait des exercices de piano. C'était normal de mélanger tout ça et avoir un respect devant tous les bassesses et auteurs de la même façon. Ça, c'était une chance. Après, il y avait cette époque qui a donné cette chance que je pouvais faire une potpourri, une espèce de potpourri. Mais très vite, ce qui m'a intéressée moi-même, bien sûr, c'était une structure, un plaisir d'une ligne que j'essaie toujours de trouver qui lit tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je sais à chaque fois quelle est la ligne, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une liaison avec le temps du moment dans lequel je vis. Et c'est intéressant chaque fois. Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais je vais y arriver. Je vais essayer pour mes prochains concerts de lier tout ça à maintenant. Music on the breeze, singing through the cherry trees, dream of delight, you and the tropic night. I found the rest on the eastern paradise. Petit addendum. Mélanger, les mélanges, et elle-même, d'ailleurs, pourquoi est-ce que je l'ai pris, pourquoi la vie, cette femme d'exception, qui est Ingrid Cavan, dont le travail sur scène provoquait des échos dans ses préoccupations qui sont les miennes, donc de tout mélanger. Parce que fait-elle sur une scène? Quelle est son originalité sur scène? En dehors du fait qu'elle est une chanteuse virtuose, beaucoup de technique, beaucoup de présence, une espèce d'aura parce qu'elle vient du cinéma, quelle est sa véritable originalité sur scène? C'est la suivante. C'est quelqu'un qui très vite, très tôt, la première, après ça c'est, on a essayé un tout petit peu de le copier dans le tour de chant qu'elle avait donné à Paris lorsqu'elle est arrivée, a mélangé immédiatement le sacré et le profane, le sérieux et le frivole, le tragique et le grotesque. C'était quelqu'un qui dans la vie, comme sur scène, a cette capacité qui rappelle la capacité de certains bons écrivains d'anoblir les choses vulgaires. Voilà. Voilà aussi ce qui explique pourquoi c'est la vie de cette femme que j'ai retracée et pas celle d'une autre. C'est pas simplement parce que c'est une femme qui partage avec qui, comme on dit, je partage ma vie. C'est parce que ça trouvait des échos dans ce que je souhaitais écrire. Amour. Tous les jours. Là-bas, seul au premier rang, dans l'angle sur la gauche, sur un strapontin, une très jeune fille attentive semblait fascinée, rivée au moindre mouvement de la chanteuse. Charles en avait rencontré des comme ça, 17, 20 ans. Une lui avait dit, Ingrid, c'est la Porsche des chanteuses. Une autre, je la remercie d'exister. Elle voyait tout de suite qu'il s'agissait d'autre chose que d'un chant. Une tournure d'esprit, une suggestion, déjà un peu de la proposition d'une manière d'être. Une très belle voix, une actrice de cinéma sur scène, oui bien sûr, mais pas que ça. C'était qu'elle s'offrait, totalement, et était seule, totalement. avec souveraineté. Et la fille du premier rang voit là ce qu'elle n'ose faire ou dire, ce qu'elle ne sait pas qu'elle veut dire, confus en elle. Un allant, une audace et des manières mises en forme. Voilà, c'est ça, je me sens comme ça à l'intérieur. Ça lui donne du courage, ça la renforce. Elle se sent représentée. Charles, qui était assis sur l'aile droite, quatre rangs derrière, l'observait là-bas, au bout de la longue diagonale de profil. Bras enserrés autour des genoux, ramenés sous le menton, une jambe repliée sous elle, le pied glissé sur le fauteuil, elle souriait sans arrêt, un sourire complice d'adhésion qui fondait parfois dans un rire. Elle faisait partie d'une génération dont, selon un sondage Ipsos, 70% reconnaissaient mieux le logo, l'arche dorée du McDonald's, que la croix chrétienne, dont 45% ne savent pas qui est Hitler, génération X, Blank Generation, sans mémoire. Et alors ? Ça avait ses inconvénients et aussi ses avantages. Une tournure d'esprit visible dans un champ, dans un corps. Il faudrait tout dire, parce qu'autrement, ça ne valait pas la peine de faire avec quelqu'un qui me connaît quand même et qui a accepté une femme comme moi, avec tout ça, ce côté sauvage et des fois violente et pas très rassurante. Et qui tombe des fois dans les bas-fonds, mais lui aussi, et qui est pas... il avait toujours le courage d'avoir confiance à cette espèce de femme qui au même temps aspire tout d'un coup à une sophistication, à une chose, ou même dans le domaine de l'homme, de la pensée assez logique, presque mathématicienne, toutes ces choses qui me plaisent. Et il fallait tenir et il a eu beaucoup de confiance pendant longtemps et il a eu aussi de moi j'ai dit non, tu es écrivain, mais quand il dit oh non, je m'en fous, je suis plat, non, j'ai écrit Rose Poussière les deux. J'ai dit mais je te vois chaque jour écrire sur les poux, mais c'est pour mon plaisir. Bon, j'ai poussé quand même et il a commencé un autre roman et c'est là où j'étais très très content, ravie. Mais tout d'un coup, il n'a pas terminé, il a commencé à écrire sur moi. Bon. Et là, on ne peut pas dire j'aime le livre, j'aime l'écriture, j'aime la poésie, j'aime ça. Et dire après, ah non, attention, là je ne te dis pas, non, ce n'est pas possible. C'est parce que comme dans toute poésie, il s'agit de vérité, alors que je donne au moins cette petite truc là, ça ne vaut pas la peine d'avoir honte de ça vis-à-vis une écriture. Voilà. Et ça, j'ai pas regretté parce que c'est tombé vraiment dans une structure magnifique. C'est devenu une petite symphonie sur une femme un peu, entre sauvage et têtue dans l'artifice. Et je suis ravie. Bon. Vous préférez qui? Elle, je l'adore. Elle, j'aime bien elle. Ah oui, elle j'aime bien. La fiction bien, du modèle. Hein? La fiction du modèle. Oui. J'aime beaucoup cette petite. Elle est restée un peu, je sais pas, on sait pas tout. Et elle est drôle. J'aimerais comme ça, oui, mais moi, des fois, je tombe dans les. Et je deviens quand même, malheureusement, des fois un peu lourd et idiot. Je préfère elle. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nervure du système imaginaire déployé aujourd'hui par Ingrid Cavan est évidemment trouvable dans Rose Poussière et Telex, et que l'apprentissage de la commutation, de la lecture instantanée de la vie et des informations peut donner avec le temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il a fallu autant de temps. Mais le temps ne compte pas. Le temps tombe à pic vertical quand il faut pour faire le portrait de toutes ces années-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire de ces années-là? Ça veut dire 30 ans. Hein. En Allemagne, qu'est-ce qu'on dirait? Oui, de plomb. En France, c'est de... c'est de béton. En Italie, c'est l'ensanglantement permanent. Donc, y aurait-il eu pendant 30 ans en Europe une terreur telle, intériorisée, chez les différents acteurs sociaux, comme on dit stupidement aujourd'hui, mais ce qui prouve bien que le spectacle est très avancé dans sa décomposition, pour que l'histoire de ces 30 dernières années ait donné si peu de livres importants. Autrement dit, parce que tout simplement, l'histoire ne se fait que de façon journalistique, épisodique et de façon très superficielle. On n'a pas vraiment de corps surgi de cette histoire. Alors Ingrid Cavan, c'est un de ces corps-là, miraculeusement, il n'y a pas d'autre adverbe employé, sauvé d'une catastrophe qui commence avec sa naissance, début du livre, et qui se poursuit dans un long épisode de terreur. Ce long épisode de terreur a sa contrepartie absolument enchantée, féerique. Pendant que la terreur se mettait à bouger partout en Europe, il y a eu des vies qui ont échappé au raidissement, au durcissement, qui ont vécu, qui ont voyagé, etc. Alors, que Schulz soit à la fois le reporter, le peintre, le romancier de cette affaire, ça me paraît en effet dû à ses débuts et à son silence. Les deux, combinés. Il n'y avait pas grand-chose à dire pendant ce temps-là, qui est peut-être un temps qui n'appartient qu'à ceux qui l'auront vécu durement et dans une quasi-clandestinité, même si elle apparaît dans des concerts. C'est une vie très étrange. Je partage de ce point de vue cette expérience latérale tout à fait clandestine de l'existence. Il y a très très peu de, je crois, d'écrivains ou d'artistes qui l'auront vraiment vécu comme une maturité. Il y a eu des grands écrivains, enfin, ils étaient déjà jeunes, âgés. Il a fait déjà son œuvre la plus importante avant. Qu'est-ce qu'il y a depuis 30 ans? Faisons les comptes. Pas grand-chose. On peut dire de bord, bien entendu. Et pourquoi il y a si peu? Voilà. Ce sont les questions intéressantes à poser à propos de, me semble-t-il, de l'apparition de ce livre. Rose Poussière, 1972. Il y a parfois d'illustres inconnus. Miss Z. Zouzou, la danseuse, c'est celle-là, là-bas, avec un drapeau anglais comme mini-jupe. La plus mini de Paris. Quand elle va à Londres, elle habite chez George Harrison. C'est Pariscope qu'il dit. Maigre, blanche, froide, souriante, et scandant nettement ses paroles, Zazou Zoulou, sauvage et sophistiqué. Je suis le sosie de Marlon Brando. peine arrivée au club princesse du quartier de la Bastille, où elle dort la journée, descendant, détachée et grêle, les quelques marches en étroit colimaçon recouvertes de velours grenat, comme si c'était le grand escalier du casino de Paris. Ou un hasardeux jeu de loi. Look the way she walks, hear the way she talks, est légère. Miss cède 2. Les paupières et cernes inférieures comme cousues. Le nez comme cassé. La bouche comme peinte ou greffée. Miss Z 3. Des fils et pincettes reliés à des électrodes sont attachés à ses poignets et à ses chevilles pendant 90 minutes. Fragile et synthétique. Miss Z 4. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Josiane Savigno. Le fait que ce soit un roman est aussi ancré dans la description d'une certaine société des années 70, d'un moment où des gens ont essayé d'inventer quelque chose qui serait appelé la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, je crois qu'après cette fracture incroyable des années 40-45, il y a eu évidemment la libération où il y a eu une espèce de flambée, Saint-Germain-des-Prés, une époque dont aussi on peut avoir la nostalgie si on l'a pas vécu. Et puis au cours des années 60 et des années 70, des gens ont essayé de reconstruire quelque chose d'un peu plus stable que l'explosion de la libération. Mais je crois que c'était peut-être une tentative désespérée qui a été très vite recouverte par les années 80, je dirais les années tapis, pour faire vite en France, les années des gagneurs, les années qui aboutissent à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais enfin bon, le XXe siècle se termine, espérons que le XXIe va réinventer quelque chose. Mais je crois qu'un des, enfin une des qualités, plus que qualités, une des choses qui est bouleversante dans ce livre, c'est qu'il brasse tellement de choses qu'on peut en parler avec 25 entrées. Et en effet, c'est aussi un livre sur l'impossibilité d'être allemand après 1945, et dans laquelle se sont débattus des gens magnifiques comme Fassbinder, et lié à ça, la reprise d'une tradition très allemande, d'un Berlin mort à jamais, qui est le Berlin de la première moitié du XXe siècle, dont en effet Ingrid Cavan est une héritière. Et il y a dans le film de très beaux passages sur cette espèce de transmission d'une autre femme qui a incarné une figure du cabaret allemand à des jeunes de l'époque qui sont Ingrid Cavan et des filles de sa génération. Je ne partage pas du tout la vision close, rétrécie, fermée du roman qu'on veut essayer d'imposer en France depuis quelque temps. Alors, vous savez, dans la critique, on lit tout le temps. C'est pas un roman, c'est un essai, parce qu'il y a des passages philosophiques ou que ça a une visée encyclopédique. Alors là, ce serait pas un roman parce que ce serait plus une biographie ou des souvenirs ou des mémoires. Moi, je pense qu'il y a des objets qui s'appellent littérature et puis d'autres qui s'appellent pas littérature. Et le texte de Jean-Jacques Chou, c'est hyperboliquement de la littérature. Moi, je crois que c'est... Je sais pas comment on peut le qualifier comme ça oralement, sans écrire une thèse dessus. C'est à la fois limpide, extrêmement beau, très touchant. Je crois que c'est une écriture justement qui ne fait aucun effet. Donc qui... Moi, en tout cas, personnellement, je ne vais pas parler de manière générale, j'aime pas trop ces généralités. Les écritures qui m'émeuvent, c'est ça, c'est des écritures qui ne font pas d'effet et puis qui n'abusent pas des phrases avec 45 qui, que, quoi, etc., dont sont spécialistes un certain nombre de pseudo-écrivains français. Ce qui m'a vraiment étonnée et qui m'a surprise moi-même, c'est que finalement, la lecture professionnelle fait que, même si on est parfois très intéressé par des livres, on est rarement bouleversé, qu'on est rarement assez public, j'allais dire, assez redevenu lecteur privé pour se laisser toucher. Et dans ce livre-là, dès les premières pages, j'ai su que j'allais pas m'arrêter et que j'étais vraiment touchée personnellement. Mais sans doute parce qu'il parle aussi de choses qui me touchent personnellement, qui sont les rapports de privés qu'on peut entretenir avec une personne qui appartient à d'autres parce qu'elle se produit sur une scène. Et que sur scène, en particulier les chanteuses, il y a des gens qui sont seuls sur une scène face à un public avec lequel elles entretiennent des rapports très, très passionnelle, ce qui était le cas d'Ingrid Cavell, ce qui est le cas d'autres chanteuses, ce qui était le cas de Barbara, et ce qui est le cas de Juliette Gréco, par exemple, que je connais plutôt plus personnellement que les autres. Et c'est très compliqué de savoir quel rapport privé on a avec cette personne qui, tout d'un coup, a une intimité folle avec des gens anonymes qui sont dans le noir et qui pourtant sont vraiment intimes avec elle et le ressent très fort à ce moment-là et eux le ressentent aussi. Et comme le dit très bien Choule, il montre très bien comment la personne qui a des rapports privés avec cette personne-là qui est sur scène à ce moment-là est comme exclue à ce moment-là. Il y a une phrase très belle aussi où il dit « J'ai peur avant, j'ai peur pendant et quelquefois je voudrais que ce soit fini ». Je n'aime pas tellement le roman, dans tous les cas. Je n'aime pas l'idée de personnage, je n'aime pas l'idée du monde, l'univers romanesque d'un auteur, bien entendu au sens du 19e siècle, mais même l'univers romanesque, même un auteur que j'adore, mais bien entendu comme Marcel Proust, c'est quelque chose qui est un peu éloigné de moi, un univers qui appartient à un auteur, même la notion d'auteur, si l'on veut. Ce qui me stimule, ce qui m'agrée, c'est la notion plutôt de ce qui est trouvé, de l'objet trouvé. C'est-à-dire quelque chose qui tout de suite n'appartient pas à l'auteur, qui certes éveille des résonances chez lui. C'est pas n'importe quel objet trouvé, bien sûr. Mais quand je dis objet trouvé, c'est Marcel Duchamp, c'est la peinture pop américaine, Andy Warhol, le collage, c'est bien entendu le peintre que je place au-dessus de tout, qui est, à vrai dire même, comme Baudelaire avait trouvé son intercesseur dans Edgar Poe, moi c'est un autre Américain qui a été mon intercesseur, c'est Robert Rauschenberg. Et bon, là, ce qui sont tous les petits-neveux, comme on sait, de Marcel Duchamp. Et voilà, c'est la notion de hasard et d'objet qui arrive comme ça par hasard sur une toile chez Rauschenberg, au hasard et pas par hasard, c'est-à-dire qu'il provoque un certain hasard. C'est pas n'importe quels objets, bien sûr, qui, encore une fois, éviter à tout prix le pot pourri, l'éclatement trop grand, il y a quand même... Il y a quand même quelqu'un qui est là, il y a quand même une singularité qui est là, même si ensuite il s'agit de mettre le hasard dans la partie. Et là, idem, j'ai des objets trouvés là-dedans, dans ce livre. Je suis parti, non seulement ils y sont parce que je les ai raccordés, parce que le scénario de la vie s'y prêtait, mais même je suis souvent parti de ces objets trouvés pour écrire autour. Par exemple... il y a bien entendu ce manuscrit trouvé au pied du lit de mort de Fassbinder qui retrace en 18 étapes la vie réelle ou fantasmée de sa femme, ancienne femme. On a trouvé ça à côté du lit de mort de Rennes. On m'a tout de suite envoyé. Et comme c'était à l'époque justement, bon, deux jours avant, j'avais appris sa mort, et je l'avais vu, j'avais vu Rana quelques jours avant sa mort, où il m'a encore dit reste là, et les derniers temps, quand je l'ai vu les derniers mois, je voulais pas rester, je voulais plus rester, je commençais à lui mentir avec ma manière de lui parler, parce qu'il était déjà très loin. Alors, cette papier me vient et je pense à l'époque, j'étais pas dans l'état de comprendre ce que c'était. je l'ai mis avec mes choses. Et j'ai plus repensé à ce papier. Elle m'est, je ne l'ai pas bien réalisé. Et elle était avec des vieilleries de moi et aussi des vieilles photos, des choses comme ça. Mais je ne l'ai pas caché. Et j'ai cherché autre chose. Et bon, je laissais ça et Jean-Jacques a remarqué. Moi, j'ai peut-être mis comme ça, hein, oui, c'est de Rennes et tout, mais je ne voulais pas le mettre dans ma conscience. C'était très étrange. Et là, il faut dire, les photos là avec mon père comme soldat pendant les nazis et cette feuille de Rennes sur avec des points sur ma vie ça aurait pas vu le jour sans Jean-Jacques et j'avais des malaises avec ça mais je me suis pas confrontée. Ça, c'est grâce à Jean-Jacques, par son écriture, que j'ai regardé les choses, pas avant. Oui, c'est vrai. Et c'est Jean-Jacques, finalement, qui a fait le travail pour moi de regarder ça vis-à-vis. Et d'avoir aussi cette espèce de cruauté d'un vrai écrivain de me mettre en face. Bon, mais bravo. Elle est moins cruelle que tout ce qui a apporté la vie et qui va apporter encore la vie à plein de monde. Et surtout aussi souvent à des poètes et des écrivains, des compositeurs, des artistes. Alors moi, je peux bien confronter ça, c'est pas grave. Au contraire, merci. Mais qui c'était ce garçon en blouson de cuir, seul, silencieux dans un coin, refermé sur lui-même, recroquevillé, tête dans les épaules, de dos, face au mur, près du comptoir, à la buvette du pauvre petit théâtre de fortune qui faisait aussi souvent cinéma. Il semblait capter de tout son corps ce qui était autour de lui, même derrière lui, perméable à tout, animal, et de façon démonstrative. On le sentait, l'entendait écouter. On aurait dit qu'il observait avec les oreilles, écoutait avec les épaules. Oui, de tout son corps, de la tête aux pieds. J'étais intrigué. Même de dos, il avait l'air de mes pieds. Mutique. Ne perdait pas un seul de mes gestes. C'est un type, il dit qu'il veut faire des films. Et un beau jour, un après-midi, elle vivait alors avec un homme d'affaires depuis quelques mois, elle avait laissé tomber la scène. Une belle villa moderne dans les faubourgs chics de Munich, meubles en palissandre. Elle était en train, seule, de jouer du piano. On avait sonné. Le jeune garçon silencieux, au blouson, était là, timide, les paupières légèrement bridées, une charmante et fine cicatrice à la lèvre supérieure gauche, accompagnée de deux filles. Bonjour. Une petite voix douce, c'est plutôt une des filles qui avait parlé. Lui, sur le seuil, il regardait par terre ou par en dessous, et puis aussi vers l'intérieur de la villa. Les murs couverts de palissandre. La grande feuille blanche de la partition sur le piano, surtout, semblait l'intriguer, le fasciner. Comme si c'était une drôle de chose, tout un monde inconnu de lui. Il aimerait... Oui, je... J'aimerais... J'ai écrit une pièce... Katzelmacher, ça s'appelle. Vous êtes dedans. Vous êtes une chanteuse dans une petite ville, et la chanteuse d'ailleurs s'appelle Ingrid. Non, elle ne voulait pas. Merci. Non, vraiment, je ne crois pas. Enfin, je réfléchirai. Merci, c'est gentil. Un de ces jours, peut-être. Et deux ans plus tard, il était assis à la table du petit déjeuner, après notre première nuit ensemble dans un lit. Il m'attendait avec, chose exceptionnelle pour lui dans la journée, une chemise blanche empesée, bien repassée. Je descendais les escaliers, j'entrais dans la pièce, je n'étais pas encore assise. Maintenant, il faut absolument qu'on se marie. Il disait ça sans lever les yeux. L'amour sans trêve, il rôde autour de mon cœur. D'amour, je rêve qu'il soit bonheur ou malheur. Mon amour brille, cette boule en facette qui tourne, tourne, retourne en ma tête comme 100 000 planètes. Ma pauvre mère en tricotant me l'a appris. Oui, des rêves. Rêves, fantômes. Les rêves, je raconte plusieurs rêves dans le livre. Des rêves, oui, j'aime bien cet aspect onirique. Évidemment, le fait que ce soit l'Allemagne m'a un peu facilité les choses. Les fantômes, le rêve, les contes germaniques, Grimm, Freud, Kleist, c'est un rêve du prince de Hombourg qui est très important. Et le fantastique, et Caligari et Nosferatu, l'expressionnisme allemand. D'accord, les fantômes, le rêve, cette chose un peu impalpable, comme ça, onirique, et traîne là. Et j'ai en effet raconté plusieurs rêves d'Ingrid Cavan. Souvenirs d'enfance, rêve, c'est quelqu'un qui a suivi une psychanalyse, qu'il a pour se guérir d'une terrible maladie de la peau qui l'avait rendue à moitié aveugle. Donc elle rêve, je raconte des rêves qu'elle a fait, qu'elle m'a relaté. Un rêve avec sa mère qui représentait un sphinx dans le désert, qu'elle se voyait un sphinx qui ne lui répondait pas. Le rêve qu'elle a fait à propos des camps de la mort, que je raconte, que bizarrement, cette histoire d'Arau, il semble-t-il, après une réaction là, la première réaction du livre, personne semble s'intéresser à cette visite de Darao que je raconte, au rêve qui s'ensuit qu'elle a fait, ni ensuite d'ailleurs tellement au fait que cette chose l'a un peu suivi, l'a un peu poursuivi. Il semblerait que ça, on ne tienne pas tellement en parler, peut-être que je l'ai mal raconté. Et donc il y a ce rêve qu'elle fait où elle est avec sa mère, sa grand-mère dans une salle de bain, qui salue, bref. Cette salle de bain est construite, oui, elles sont nues, et cette salle de bain, en fait, c'est, le fond de la salle de bain est obturé, et c'est dans le rêve, c'est l'entrée d'un four. Donc c'est un rêve récurrent qui la suit. Bon, là, silence sur toute la ligne, alors que c'est un rêve assez stupéfiant. No reaction. Philippe Solers. Il y a d'abord le passage entre deux langues, de l'allemand au français, du français au corps allemand, du corps français juif huguenot, comme il se dénomme plaisamment lui-même, par rapport à cette petite fille qui chante devant la des officiers de la Kriegsmarine dans son père au début des années 40. Là, ça pose une autre question très intéressante aussi. Qu'en est-il de l'Allemagne vue de l'intérieur extérieur? Qui est-ce qui peut dire le mieux ce qui s'est passé en Allemagne? L'Allemagne a-t-elle disparu dans un trou noir? Ou bien des expériences comme celle de Fassbinder, de Cavan et d'autres sont-elles disable, mais disable en quelle langue? Tiens, comme c'est drôle en français. Le mieux. C'est curieux. Je me demande si la réciproque pourrait être vraie. C'est une autre question que je pose. Le français traité évidemment d'une certaine façon, c'est-à-dire très fluide, très très enchanté, très chanteuse, très chantante, très très orchestrée, très instantanée aussi, avec cet art sous-jacent de l'observation de quelqu'un qui sait que tout se passe en très peu de temps et en dit très long. Alors, un modèle féminin, tiens donc. Alors, une femme, laquelle, celle-là, chanteuse, actrice, et tout le temps actrice forcément dans la vie, et chanteuse tout le temps dans la vie, c'est-à-dire dans la vie elle-même, est une modulation constante. Un Français avec une chanteuse allemande, est-ce que ça n'est pas étrange? Si, très. C'est d'une mixité prodigieusement réussie. Comment ça peut se faire qu'on ait pu arriver à une mixité entre un homme et une femme qui donne une impression de légèreté, de cocasserie, d'attention soutenue à la moindre chose, aux détails de l'existence. C'est très très peu courant, ça, qu'un homme et une femme partagent une expérience commune dans la positivité éthique, qui évidemment reparaît dans l'esthétique. Parce que... Encore une fois, je me sens très proche dans ma très grande solitude qui s'accroît de jour en jour de ce type d'expérience tout à fait insolite. Il n'y a rien de tel dans le paysage. C'est-à-dire l'expérience de la socialité à privatif. Comme il faut rappeler Freud de temps en temps à 150%, précisons cette chose, que rien n'est plus asocial que l'amour, sans guillemets, entre un homme et une femme. Alors vous allez me dire, mais pas du tout, on ne parle que de ça, la publicité nous l'a... c'est pas mal, ce Zeus m'approuve. Un coup de tonnerre. Et là, on reconnaît le dieu, dirait-on en grec. Et rien n'est plus. Alors hétérosexuel, enfin bon, c'est banal. C'est pas été. Mais je n'ai pas dit hétérosexuel. Pas parlé de. J'ai même pas parlé de sexualité d'ailleurs. Schull se distingue par une très grande réserve sur ce plan qui aujourd'hui déborde de partout sous forme d'un fameux bouilli pseudo-pornographique. Alors, oui, partout, dans les têtes, dans les comportements, même muets. Donc, rien n'est plus asocial. Alors, pour résister à une emprise quasiment totalitaire, publicitaire, planétaire, de la société devenue, comme chacun devrait le savoir, la subjectivité absolue à chaque instant, et où Warhol aura donné son diagnostic, il apparaît dans le livre de Schull. Mais enfin, c'est pas pendant un quart d'heure, ni même 10 minutes, que chacun désormais sera éventuellement célèbre, c'est pendant un quart de seconde, et personne ne sera célèbre non plus, en tout cas, sera montré dans sa défaillance et sa disparition, dans son irréalisation totale. Donc, tout ça, ce sont des... La société du spectacle, je me passe de la commenter, ça va, c'est tout ça, et tout ça devrait être bien connu. Je reviens à cette histoire de ténacité dans la relation entre un modèle et son observateur à travers le langage. Une chanteuse et un écrivain. Là encore, on a eu des couples comme ça. C'est d'ailleurs, Schull se moque un peu de ça dans son livre. Vous allez me raconter qu'il y a eu des couples célèbres, l'écrivain et l'actrice, patati. Mais c'est tout à fait autre chose. Là. On n'est pas du tout dans ces représentations. On est dans la critique très aiguë de la façon dont des publics divers croient à la chanteuse, à la femme, C'est-à-dire, il y a un humour absolument radical dans cette affaire. Je suis frappé dans les premières réactions à ce livre. Je suis frappé d'une chose, c'est le deux scènes. Il y a des réactions sur différents aspects, sur le bien entendu sur les années 70, sur le retour des années 70, sur lequel les réactions font généralement le focus dessus, alors que moi j'ai traité les années 70 uniquement comme des années symptomatiques du fait que toute une époque s'achevait, que c'était pas simplement, j'étais pas du tout fasciné de façon rétro par les années 70, il s'agissait simplement d'un moment, je me suis aperçu que c'était la période où ça basculait, on rentrait dans une autre ère, et c'est pour ça que j'en ai parlé. Je parlais des derniers spécimens de toute une ère, comme il y a eu l'époque moyenâgeuse, puis le passage à la Renaissance, puis ensuite le passage du féodalisme au capitalisme industriel. Il m'a semblé que des années 70 ont passé dans une ère totalement nouvelle à cause des systèmes de communication, de cette en plus, en prime, bien entendu, de cette épidémie qui arrivait. Tout ça a fait qu'on est rentré dans des rapports totalement indicibles, maintenant, pour lesquels on n'a pas trouvé les mots. Et c'est pour ça que j'ai parlé de 70. Ce que je veux dire, c'est que donc on a fait le focus là-dessus, on a fait le focus sur des tas d'autres aspects du livre. Il y a deux choses qui m'ont intrigué, sur lesquelles il semblerait qu'on ne parle pas. C'est deux passages du livre qui, par ailleurs, sont assez curieux et amusants. L'un qui est le amusant, si on peut dire. L'un, c'est une scène de doublage d'un film pornographique célèbre qui était The Devil in Miss Jones par Ingrid Cavan, auquel elle prête sa voix. Et le deuxième, c'est une visite du camp de Dachau par Ingrid Cavan, qui alors est toute jeune, doit avoir 23-24 ans, avec trois de ses amis, où je raconte cette visite, où elle ne se rappelle plus de grand-chose, les choses se sont estompées. Et c'est deux choses sur lesquelles il n'y a pas de réaction. Voilà, je pose juste, j'ai pas de réponse à cette non-réaction, je sais pas ce que c'est. Oui, alors là, basculement des années 70, je crois que c'est très, très juste. Moi, je le dirais avec mes mots, c'est la fin des temps modernes. On rentre dans l'ère planétaire. Voilà. Mais ça se fait pas sans bousculade. L'ère planétaire, on y est maintenant, quoi. C'est-à-dire en communication, etc. Les événements historiques comme ruse de la technique, etc. Alors, en effet, le doublage de The Devil of Miss Jones, un des grands films pornographiques, on n'en fait plus des comme ça, si je peux dire, c'est-à-dire de ces années-là. Deep Throat, The Devil of Miss Jones, etc. C'est l'arrivée sur les écrans. En tout cas, en France, c'était une explosion considérable. C'est 74, 75. Giscard, tout à coup, autorise la diffusion des films pornographiques. Les Espagnols se pressent à la frontière française pour aller voir ça dans des cinémas du Pays Basque. C'est un film absolument bouleversant. En effet, le fait qu'il y ait ce doublage par la voix de Cavan prêtant sa voix à ce film est un élément très, très important parce que tel que c'est décrit dans le livre, elle fait ça un après-midi, je sais pas quoi, en jean, de façon très technique et amusée. Donc, distance entre l'image et le son sur des images très très très très hard. Hein, ça, hein, bon. Un film superbe d'ailleurs d'une certaine façon où le diable intervient. Devil. Mais qu'est-ce que c'est que le diable en somme? Ça serait peut-être cette distance qu'on peut prendre par rapport à l'image pornographique très très très très très violente, en s'en amusant et en prêtant sa voix à l'un des protagonistes, c'est-à-dire dans ce dédoublement, dans cette c'est peut-être pour ça qu'il n'en est pas question. C'est-à-dire, tout le monde sait ou devrait savoir qu'une femme s'intéresse assez peu en général à la pornographie, mais ça devient beaucoup plus grave si elle peut en effet prêter sa voix à des ébats pornographiques sans y accorder la moindre importance. Vas-y. Oui, et d'ailleurs, une des choses avec Ingrid Cavan qui est le moins acceptable, c'est que c'est quelqu'un qui joue tout le temps. Il n'est pas acceptable que quelqu'un se montre en star et l'instant d'après joue avec cette image de star. C'est quelqu'un qui a tout le temps joué. Fassbinder aussi, d'où est venue leur complicité. Ils ont adoré les jeux. Fassbinder adorait les jeux au sens littéral du mot, les jeux les plus bêtes. Ils aimaient tous les deux la bêtise des jeux et le jeu de la bêtise. Et c'est ça qui est très peu acceptable. Elle joue avec les images. Elle ne s'identifie à aucune image d'elle-même. Et là, en particulier, bon, dans cette scène, il y a évidemment un jeu avec la pornographie. Ce n'est pas acceptable. La pornographie est acceptable. Prendre ses, en effet, comme il se fait, ses distances avec ça, l'est de moins en moins. Blanc sur blanc, un peu de poudre sur ta peau. Ce polaroïde de ton corps livide. Oui, polaroïde cocaïne, chambre 1050, chambre 1000. Toujours cette histoire du simultanéisme, plusieurs choses qui se passent en même temps. Il n'y a rien à faire. Dès que je commence à suivre un fil, hop, il faut que je dévie. C'est une espèce de. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une espèce de strabisme divergent de l'esprit, de la pensée. Je ne peux pas tenir longtemps. Je ne peux pas tenir longtemps le fil, longtemps la même direction. Voilà, par exemple, deux chansons, chambre 1050, c'est une. En même temps, il arrive des telles choses en même temps. Donc, il y a eu un mouvement littéraire qui s'appelait le simultanéisme. Oui. Dos Passos. Quoi d'autre? Bon, je ne sais plus. Enfin, voilà, je suis un simultanéiste. D'accord, simultanéiste. Au fond, je suis plus. Ça s'apparente plus à la poésie ou au journalisme. Sur la page de journal. Tout est là en même temps. La poésie, c'est pareil. Ce qui se rapproche le plus de la poésie, c'est la page de journal. Je me sens bien là-dedans. Peut-être que ça vient de la volonté d'arrêter le temps. Je sais pas. Cette idée de biographie ou de roman, la biographie, c'est insupportable. La biographie classique à l'américaine. Où l'on suit un fil du début, de la naissance à la fin, inexorablement, le roman qui va vers son issue, ou la tragédie, le théâtre, n'en parlons pas, qui va la tragédie classique qui va vers sa fin, c'est des choses que je supporte pas. Et alors, cette lutte contre le temps, peut-être que nous menons chacun, où est-ce qu'elle peut le plus, le mieux se mener, en somme, cette lutte-là, avec le plus de chance pour nous. Non pas de triompher parce que nous sommes toujours perdants à la fin, comme disait l'autre, à la fin c'est toujours la mort qui gagne, oui bon ok, mais où est-ce qu'elle peut le mieux se mener de façon illusoire, mais malgré tout, après tout, comme disait un autre, c'est de combattre et de participer qui compte, donc eh bien c'est probablement dans ce qu'on appelle la poésie, ou éventuellement la chanson. Et dans le cas, oui, bon, c'est deux petites chansons. Là, ça se passe dans l'une se passe dans un hôtel, chambre 1050. Il arrive des tas de choses à la fois. La chanteuse répète et arrive vers elle, comme vers un prisme, tout ce qui se passe dans les chambres contiguës ou pas de l'hôtel. Il y a une petite fille qui téléphone à sa mère en disant qu'elle se drogue plus. Il y a un Sex Pistol qui assassine sa fiancée, comme c'était le cas au Chelsea Hotel, de Sid Vicious, et ainsi de suite. Et donc il y a des voix qui arrivent, et en même temps, la chanteuse répète une chanson. Voilà. C'est la Polaroid cocaïne, c'est aussi. Ben non, c'est pas pareil. Etc. ce que j'aime bien dans Polaroid Cocaïne, c'est cette photo qui se dévoile, comme une photo qui se dévoile dans l'eau, je dis. Il y a de la poudre sur une photographie, et puis peu à peu, la poudre s'en va, et la photo apparaît. Et j'aime bien cette idée de dévoilement. Dans ce livre Ingrid Cavan, le livre commence par une scène de maquillage, et le maquilleur, qui est quelqu'un qui à l'ancienne travaille de façon très délicate, en faisant très peu, il fait un maquillage de cinéma à la chanteuse, il fait juste quelques petites touches, et il aime bien ça, et avec elle, il lui dit, c'est très facile avec elle, parce qu'elle a cette structure osseuse, cette bonne structure, avec les pommettes à la main Dietrich, avec les pommettes très saillantes, et l'espèce de triangle caucasien, et il lui dit, avec toi c'est facile, avec trois touches tu es métamorphosé, il suffit de rien et le masque va se révéler. Et puis à la fin du maquillage, il y a une longue séance de maquillage, et à la fin, ça y est, c'est là, le masque arrive, ça se révèle. Au fond, on revient au début de ce que l'on disait, j'aime découvrir ou révéler les choses et pas les créer ou les fabriquer. Je crois que c'est Max Ernst qui disait, il y a deux types d'artistes. Il y a les inventeurs et les découvreurs. Et Max Ernst se situait bien sûr du côté des découvreurs. Et moi aussi, je n'aime pas inventer, j'aime découvrir ce qui est déjà là, comme le maquilleur, le maquillage Ingrid Cavan, découvre le masque qui est là dans son visage par petites touches. À la fin de la séance de maquillage, on dit ça y est, il est là, il est arrivé, le masque est là. Tout le livre, j'espère, est dans le même ordre d'idées, une révélation de certaines choses qui étaient déjà là, des objets trouvés sur lesquels je mets le projecteur, que je décris. Dans tous les cas, le minimum d'intervention, d'invention de ma part. J'aime beaucoup la phrase que Eric Rohmer a dit sur Roberto Rossellini. Le génie de Roberto Rossellini était de ne pas avoir d'imagination. Je n'ai pas d'imagination non plus, je m'en flatte. C'était un petit entrefilet en page 12. Le producteur Mazar a été retrouvé mort chez lui. Il avait 39 ans. Il avait financé de nombreux cinéastes dans les années 70, Polanski, Ferreri, Jean Eustache, Jean-Luc Godard, Jean Yann. Charles arrêta sa lecture. Ça faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas vu. C'était à Prague, il était déjà au bout du rouleau. Carole Bouquet, qui tournait un film, allait le récupérer dans les couloirs de l'hôtel pour touristes où il traînait en boxeur short et se faisait casser la gueule par les flics communistes de l'hôtel et insulté par les blondes putes, peroxydé, appointé pour espionner la clientèle. De l'hôtel, on apercevait le petit cimetière juif où les pierres tombales avec les noms dessus étaient frileusement entassées toutes de travers, penchées les unes sur les autres par manque de place. Même morts, ils avaient un ghetto. Son domestique marocain, à qui il interdisait de le déranger, l'avait retrouvé allongé sur le ventre dans son lit devant la TV en marche. C'est tout ce qui restait d'ailleurs. Plus un meuble. L'appartement vide, blanc. Un lit, une TV vidéo sur le sol, c'est tout. Il n'avait pas tellement d'argent. Son yacht était loué avec l'équipage, le gentil capitaine italien. Son pouvoir était dans les mots, la force de sa parole, et tout reposait par ailleurs sur une simple feuille de papier. Dessus, Jean Ribou, séduit un soir par son charme et son brio, avait écrit qu'il lui donnait pouvoir pour le représenter dans la gestion de 30% des parts de Gaumont. Voilà. Une mince feuille de papier et le sens du langage. Il avait une phrase. Il avait dit à Charles que c'était un dicton libanais. Écouter, c'est acheter. Parler, c'est vendre. Donc, Mazar avait perdu. Il avait failli gagner. Il était à deux doigts. Mais il avait finalement perdu face à Sédou, l'intraitable capital protestant. Le pur, le dur. C'est Mazard qui l'avait introduit dans la combine et qui très vite avait été évincé, classique. Mais là, il avait perdu parce qu'il voulait s'amuser. Et eux, à qui d'ailleurs il avait mis le pied à l'étrier, qu'il avait introduit dans la place avant de s'en faire évincer, ses doux, Toscans du plantier, qu'il appelait tocards du planton, eux ne voulaient surtout plus voir ça. Cette exubérance baroque, cette folie, un certain art de vivre, il fallait le nettoyer, ne plus avoir ces images, qu'on n'en entende plus parler, plutôt l'ennui. Ce type qui sautait sur la table de joie au Carlton en regardant sur une ardoise le hit parade des films, les entrées de la grande bouffe montaient vertigineusement. Un type, si les chiffres n'existaient pas, marquait ça à la craie. Et il criait « Je suis le roi du cinéma français ». Et il était sur le point de l'être. Pourtant, une toute autre voie, un jour, avait semblé tracée. Riche famille syro-libanaise, il a 20 ans, brillantes études de sciences politiques, ravissante fiancée qui se suicide. Alors, puisqu'une telle chose était possible, tout devenait permis. Et sa vie, très très vite, avait pris un tour endiablé. Son aspect méditerranéen, levantin, solaire, exubérant, ne mettait que mieux en relief les cernes, sa part d'ombre, de ténèbres autour. On ressentait au loin, très loin, sa faiblesse, son attrait pour le gouffre, mais sans aspect tragique. Et toute sa séduction venait de là, même auprès des plus durs, des plus puissants et blindés, sa séduction en même temps que l'horreur qu'il leur inspirait. Cette attirance pour l'abîme, tout le monde l'a plus ou moins, mais cachée le plus souvent. Lui, en plus, était l'élu de l'abîme. Vie flamboyante, élu du gouffre, ça me fascinait, racontait Charles à Ingrid. Qui ça ne fascinait pas alors? Et même les plus puissants, les plus riches. Et ça sentait toujours un peu le soufre autour de lui. Ça les attirait tous alors, les femmes surtout. Mais le directeur de chez Pathé l'avait prévenu. Jean-Pierre, je ne vous permettrai jamais de devenir le patron du cinéma français. Et en plus, pour lui, Gaumont n'était qu'un hors-d'œuvre. J'allais souvent le voir au Plaza, poursuivait Charles. Un soir, très très tard, on était au milieu de l'hiver, une épaisse couche de neige dans le patio en bas, les flocons qu'on apercevait entre les lourds rideaux à demi tirés, la lumière rosée reflétée dans les couvre-plats, chauffe-plats, théières sur la grande table roulante à rallonge, room service à 3h du matin, la cocaïne qui traînait sur la table de nuit. Un joli visage de fille a émergé dessous le milieu des draps quand je suis entré. Mazard a soulevé le grand drap en lin blanc et a dit en riant « Tu vois ça? C'est pas pour toi. » C'est vrai. La fille avait un corps superbe. Elle s'appelle Séverine. Et après un moment, il est sorti du lit et, en virevoltant, s'est mis à échafauder ses plans délirants. « Tu as pas compris, Charles. » Il n'était pas rasé. En caleçon long, avec du ventre, un petit sourire moqueur et gourmand, quelque chose de féminin, comme souvent les hommes orientaux. « Tu as pas compris. La Gaumont, ce n'est qu'un amuse-gueule. Ce que je veux, c'est la Fox, la Warner. » On ne savait pas s'il plaisantait ou pas, sans doute pas. Un serveur est venu. « Monsieur Mazard, la blonde de la 504 vient de rentrer avec le producteur marocain. » Il roulait des billets au personnel pour qu'on espionne l'hôtel, lui fasse de petits rapports. C'était comme ça, sans raison, pour s'amuser. Il était curieux des autres. En partant, dans un tiroir entrouvert de la commode, j'ai aperçu un revolver. Dans les vitrines des magasins, sur le stuc des marquises, les auvents, les grands sapins disposés de loin en loin, ce sont les éternelles décorations de Noël. Encore là au mois de janvier, une rhapsodie de guirlandes, boules dorées, petites couronnes de houx, ruissellement en cascade de filaments, de minuscules ampoules, comme une chevelure argentée en dreadlocks électriques. Une fragile pâtisserie en sucre filé phosphorescent. Mais, ainsi que dans une partition musicale, un nouveau thème s'annonce, d'abord discrètement, par un petit leitmotiv, un bref accord. 4 ou 5 notes. Qu'est-ce que ce ruban gancé rouge qui apparaît au milieu, sur la branche d'un arbre d'abord, ce motif décoratif inédit, s'intercalant, insidieux dans la fête. Il revient maintenant, un peu plus haut, dans l'avenue, devant les fourrures chez Saxe, ce ruban, comme une ponctuation un peu funèbre, dans ses pacotilles kitsch. Puis il éclate carrément en thème principal. Il n'y a plus que ça, ces petits papillons rouges sang, envolés des boutonnières, et venus s'accrocher sur les sapins du parvis, au fronton, tout autour des lourdes portes ouvertes de Saint-Patrick, d'où s'échappe la messe pour les morts à commencer, les accords d'une musique d'orgue. Cette musique se mêlait au bruit de l'avenue, les trépidations des voitures mal suspendues sur le bitume éclaté, leurs roues déglinguées sur la chaussée mal pavée, avec dos d'âne, un vrai toboggan, et aux autres bruits de la ville, un sourd roulement perpétuel, une rumeur lointaine suspendue, le bruit même de la ville, de l'abîme. Je pense, toute ma vie, le livre, l'objet du livre, du début, comme petit enfant, des contes de filles, après la Bible, après le Gesangbuch, le livre de l'Église, après les partitions, après les livres, l'écriture, les poèmes, c'était du début très important pour moi de toucher au livre. Le livre était pour moi, est resté un objet tellement important et tellement, dès que c'est bien écrit avec un style et pas n'importe comment, c'est un objet sacré pour moi, en même temps très, très proche de mon corps, presque physique. Je l'aime, je peux le toucher, j'ouvrir, je peux, elle devient physique, elle devient quelque chose qui s'accroche à mon corps. Et comme ça, elle est quand même autre chose que moi. Et pendant que Jean-Jacques a quand même été, d'après ce que j'ai dit, bon, on y va et j'ai plus rien à cacher devant toi, maintenant je veux raconter les choses que je t'ai jamais racontées, bon, on y va. Et Jean-Jacques, au début, était très, très réservé, timide vis-à-vis de moi dans ce cas, dans cette chose-là, mais après, quand il avait commencé, après un, deux mois qu'il avait commencé, j'avais l'impression qu'il s'est attaché à cette personne qui commençait de vivre dans son livre, et il l'a suivi, il a insisté, et des fois c'était douloureux, oui, pendant que l'écriture, parce que il questionne pas, il est magique, il a senti dès que je pouvais pas raconter, et il a insisté, mais en même temps je voulais, parce que je faisais confiance à l'écrivain. Et maintenant, ce qui s'est passé avec des choses très douloureuses, très pénibles, même obscène des fois que j'ai vécu, où j'étais poussée dedans, j'ai un soulagement maintenant, c'est vrai. C'est magnifique, c'est entré dans une autre forme, dans un langage, que quelqu'un a trouvé un langage, des mots qui sont en partie analytiques presque, et aussi du côté de là où on ne sait pas tout. Et ils sont soulevés dans l'ombre et analytiques, oui, les deux, et ils sont soulevés dans le sens presque hegelien, dans d'autres domaines, et ça n'a plus rien à voir avec moi, avec ma vie, et je suis soulagée, c'est très beau, et c'est un cadeau magnifique, je pense, pour beaucoup de monde, à travers Jean-Jacques Schuhl. Ça vous a rapproché, si besoin était. Qu'est-ce que ça a fait entre nous? Oui. Ah, il y avait une phase, pas pour lui, je pense, mais pour moi, un peu difficile, oui. Tout d'un coup, oui, mais je pense... non, ça nous a un peu éloignés un temps. Il faut, si vous demandez comme femme... Là, vous avez bien senti, oui. Ça, et encore maintenant, il faut. C'est différent. Ça change les choses. Mais comme nous deux sommes toujours intéressés à ça, ce qui se fait pour l'artifice, pour l'art, et alors je pense on va se retrouver ailleurs et je pense encore plus vital et mieux. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nägeln besteckt, schlumpf unter die Deck. Cette berceuse, tous les enfants allemands la connaissent. Elle traîne les pieds, s'approche de la rampe, tout au bord de l'immense scène. Elle a chanté les deux strophes correctes, très correctes, comme il faut. Elle les reprend maintenant, mais hésitante, comme à l'écoute d'autre chose, d'une autre voix, un peu faux. Mais ça correspond à quelque chose qui vit dans sa mémoire. Elle cherche à en restituer la vie, le mouvement du tracé tremblé, enfoui dans son souvenir. C'est curieux, elle a d'abord chanté la version en place, correcte, définitive. Et ensuite, son ébauche tremblée, incertaine, entendue autrefois, à l'écoute, en même temps qu'elle chantait, penchée sur le gouffre, d'où monte la voix un peu fausse de sa mère. C'est elle qui chante, mais elle semble surtout écouter, tête inclinée, le buste penché sur le côté, l'ombre d'un sourire de vieil enfant malicieux, quelques sons très fins, bas, à peine audibles, mais très présents. Un suspense. On est suspendu à sa voix, comme elle, sur le gouffre noir devant. Elle recherche la sensation, le mouvement, de quand ça avait été la première fois chantée par sa mère, avec ses intonations un peu fausses. L'enfant l'avait remarqué tout de suite, avec son oreille absolue. Ça l'avait amusé, charmé, mais aussi lui avait donné un léger sentiment de supériorité. Sa mère, donc, était friable. La loi métronymique, la correction, réglée comme papier à musique, ça, c'était donné par le père, au piano. Elle a repris deux fois la berceuse. La première, correcte, c'était le père. La deuxième, incertaine, la mère. Une portée pour papa, une portée pour maman. Bonne nuit, si Dieu le veut, il te réveillera demain. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Il te réveillera demain, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que cette berceuse? Un lit de rose, des clous piqués dedans. Un cercueil, alors. Bonne nuit, si Dieu le veut, il te réveillera demain. Johannes Brahms, dit-on, était amateur de bordel. C'est qu'il aimait parfois composer chez la Madame Claude de l'époque à Vienne, chez Frau Claudia. Peut-être l'avait-il essayé en chantonnant au piano sur une pute, cette berceuse nécrophile, entre deux coups. Petit clou, lit de rose. Aimez-vous toujours Brahms ? Voilà, maintenant c'est la fin. Dans la grande halle à la fine armature, l'horloge plaquée sur la paroi de métal marque l'heure, 11h22. Les lourdes portes en fer, le grand dôme là-haut, coulissent lentement, s'ouvrent sur la nuit, quelques lumières au loin, métro aérien, tout a l'air dans l'air, les musiques creusent l'espace, très anciennes et semblant venir du futur. Elle accédait à son tour à un monde libre et hypnotique. Elle avait et transmettait l'impression d'inventer et aussi de ne faire que de découvrir des formes déjà là. Un son, un geste en émanait, un autre comme si ça se faisait sans elle et que c'était désormais cela son corps, de la musique. Quelques secondes, ne reposant sur presque rien, articulée, semblait-il, avec précision, par des fils lointains. Elle fut, avec son ombre, un fugitif hiéroglyphe animé, à peine quelqu'un. Et dans un soudain renversement, il semblait que notre vie massive et chaotique n'exista alors que bien peu, face à cette illusion, tout là-bas, dans cette boîte. Ça avait été très bref, mais c'était fait. L'histoire, la sienne et la nôtre, s'efface. Elle laisse place à cette trace éphémère sur scène qui prend vie au bout du pinceau de lumière, sous le charme des mots, le sortilège des musiques. C'est fini. Elle salue. D'abord, elle s'incline lentement, recueillie. Elle se redresse, un sourire, puis dans un large mouvement du bras, rend grâce, désigne les spectateurs qui maintenant applaudissent. Certains debout, les quatre musiciens, pianiste, basse, saxo, violon, la feuille blanche illuminée sur le piano, sa main s'ouvre sur ce qui est autour d'elle, tout autour, aussi le vide. Elle semblait dire « Et voilà ». Je crois que s'il est un tout petit peu réussi, j'aimerais que ce livre, j'espère que ce livre, sous des dehors un peu chic, snob et superficiel, est également une défense du métissage sous toutes ses formes, culturelles, esthétiques et morales. Coin de rue, une enfant, belle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. C'était Jean-Jacques Schoul, fiction du modèle, avec Ingrid Cavaine, Jean-Jacques Schoul, Josiane Savigno, Philippe Solers. Texte lu par Jean-Jacques Schoul, Garance Clavel, Jérôme Robard, Geneviève Crouzet. Jean-Jacques Schoul est l'auteur de trois livres, Ingrid Cavaine, roman, Rose Poussière et Telex numéro 1, publié aux éditions Gallimard. C'était une émission de Patrick Amine, réalisée par Marie-Dominique Bougot, Cécile Dume, Brigitte Mazir, Jacques Taroni. La douceur de ses lèvres. L'amour nous enveloppe. Le velours de sa jupe relevé. Ses jambes que mes mains découvrent. Dans mes cheveux, m'attire, me griffe, excite mon désir, son désir, ma bouche devient folle, le satin de sa peau. Tu es belle, ton ventre. cœur qui bat au rythme de mon amour. Ce rythme qui nous emporte loin, très loin, en toi, au plus profond de toi. Tu gémis, mon amour. Aime, aime de toutes tes forces. Elle et moi. Cette émission a été diffusée la première fois le 21 septembre 2000 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.